tout pour les miens. Mais tu n'es pas sur la liste. Je sais qui était là, qui n'y était pas quand c'était la crise. Y a du buzz et du bif, je les vois qui se ramènent. Personne au bout du fil, j'étais solo quand c'était la dèche. Pas de nouveaux amis, amis c'est que la Ève. Que le sang de la veine, ne mets pas ton nez dans mes affaires. J'ai taffé jour et nuit, j'ai cultivé ma haine. Je suis un peu comme mes reines, je ne vis plus que pour me les faire. Sur le butin, les yeux rivés, j'ai pas quitté de quoi tu parles. Je vois toutes ces putains tapiner. Je ralentis pas dans les virages. C'est la fafa, pas ces bâtards que l'on emmène. Je n'avais qu'elle, mon ami quand y'avait R, tout pour le gang. Tous les jours que je fais, je demande au Seigneur me laisser les faire. Je me rappellerai quand j'étais en reste, quand c'est la guerre, personne m'aidait. J'ai pris du temps à m'en remettre, comme un bonhomme j'ai dû me refaire. À la misère des abonnés, envoie les bâches, je vais leur montrer. Que la fafa, y'a du démon qui compte sur moi. Maintenant que j'ai fait le premier pas, je ne peux plus m'arrêter là. La rue c'est sans foi ni loi, ne joue pas les malinois. Quand tu sais qu'il fait pas le poids, conseil de ref néglige pas, ceux des chags les écoute pas. Tu savais comme la route était barrée, tu savais le naïf que j'ai été. Je pensais que tout le monde m'aimait en vrai, mais personne n'a voulu m'aider. Mais en tant qu'exileur de drogue, je sais comment remonter la pente. Avoir quelques billets de banque pour assumer la F430. Faut que j'évite les mauvaises ondes. J'ai quand même quelques défauts de vouloir aider le monde. Alors que moi-même c'est chaud. J'pouvais mourir pour le gang. J'pouvais nourrir tout le gang. Sacrifier mon temps en tôle. J'ai dû retirer l'ange mon épaule. Tous les jours que Dieu fait, j'demande au Seigneur me laisser les faire. J'me rappellerai quand j'étais en S. Quand c'était la guerre, personne n'aisait. J'ai pris du temps.